puissant. Petit enfant des bidonvilles, peu de temps d'existence, mais déjà le blues, la grise mine. Ici l'air est trop lourd, les gens trop fous, plein de déprime. Chaque nuit le diable s'invite pour quelques coups, quelques crimes. Je n'ai pas trop d'ambition, mon parcours est déjà tracé. La mort ou la prison, mon cœur n'a plus qu'à balancer. Pour moi les rêves sont pas permis car l'espérance de vie est faible. Hier j'ai vu mon pote tuer son pote pour un peu d'herbe. Je vois ma vie comme une épreuve, chaque jour j'évite les obstacles. Dieu se sait ce que j'éprouve. Pour pouvoir rester intact, je me débat dans cet enfer. Dans cette jungle, je survis. Mais je sais qu'un matin de plus est juste pour moi un sursis. Je n'en veux pas à Dieu m'avoir fait naître dans ce foutoir, mais plus à l'être humain qui fait semblant de pas le voir. Parce qu'ici les rues sont grises et l'espoir s'est fait la malle. Sur le gâteau, y'a plus que la cerise. Voilà pourquoi on crève la dalle. De matin, on m'a dit tire, j'ai appuyé, j'ai vu cet homme mourir, laissant derrière lui des enfants. Mais on m'a dit c'est bien car il n'était pas du même clan, mais du même sang il était. Et ça, je te jure que ça fait mal. J'essaie de pas y penser, mais désormais je me sens sale. J'aurais voulu naître ailleurs, là où les gens ne pleurent pas, là où les gens s'amusent et les enfants ne meurent pas. J'aurais voulu voir mon avenir, loin de mon gang et de mon flingue. Mais maintenant c'est mort, alors comme eux, je fais le dingue. On nous appelle Marelos, tatoué de la tête aux pieds. Peur de rien, envie de vaincre et toujours prêt à tirer. Moi, dans cette spirale, j'ai été attiré. Même si un jour je décroche, faudrait que je sois prêt à tirer. Car on m'a dit, smiley, d'ici t'en sors pas comme ça. Ta famille, elle est là, elle se part à la villa. Cette vie n'était pas faite pour un enfant. J'ai tout perdu, mes potes, mes proches et mes parents. J'ai plus le droit de faire marche arrière car la machine est lancée. Désormais je vis en guerre et parfois même je vis caché. Chaque jour un de mes frères tombe pour un bout de territoire. Parfois je me lique nos vies s'envole de face en dérisoire. Mais j'ai pas le droit de penser si je veux rester en vie. Pas le droit de me dire que j'aurais aimé grandir en ville. Ici l'amour est banni et ça tu le comprends très vite. Quand l'amour de ta vie se fait tuer très très vite. Y'a pas d'issue, pas de trêve et encore moins de cesser le feu. Car ici les gens crèvent sous une lame ou sous un feu. Maintenant c'est à la vie mais surtout à la mort. Et quand je ferme les yeux, je prie et je m'endors. Alors dans ma tête je m'invente une vie bien différente. Mais la réalité me rattrape, alors pour oublier je chante.